je me suis persuadée qu'il n'y avait rien du tout dans le monde. Qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je pas persuadée que je n'étais point ? Non, certes, j'étais, sans doute, si je me suis persuadée, ou seulement si j'ai pensé à quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur, très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toutes les choses, enfin il faut conclure. Et tenant pour constant que cette proposition, « je suis, j'existe » est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Bonjour Philippe Cabestan. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Généralement, c'est de Sartre que vous venez parler à ce micro. Aujourd'hui, Husserl. Oui, mais j'aime aussi bien Husserl que Sartre et Heidegger. Et donc, je suis très heureux de parler de Husserl aujourd'hui avec vous. Surtout qu'on en parle moins, y compris vous. Vous êtes professeur en classe préparatoire à Argenson de Sailly, président de l'école française de Design Analyse. Husserl, c'est pas celui que vous enseignez en priorité, j'imagine. Non, mais il y a un certain temps, il y a même quelques années, j'ai eu la possibilité de traduire avec des amis, avec Nathalie Deprat, François d'Astur, un texte de Husserl, les textes consacrés à la psychologie phénoménologique, c'est paru il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'était une belle entreprise et une belle expérience, même si, il faut le reconnaître, Husserl est un auteur difficile, qui ne se lit pas comme on lit un roman, certainement pas. C'est un auteur très rapidement technique, avec un vocabulaire très très précis, mais c'est une œuvre évidemment massive, c'est une œuvre, comme on dit maintenant, incontournable, et il serait difficile de parler de la philosophie au XXe siècle et au XXIe siècle sans évoquer la figure de Husserl, parce que c'est lui, bon, et ça a été dit bien sûr auparavant, c'est lui le fondateur de la phénoménologie, et donc du courant, alors de mon point de vue, du courant principal de la philosophie au XXe et au XXIe siècle, mais ça... c'est discutable. Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui ? Alors, pour le dire d'un mot... Avant qu'on entre dans le texte. Oui, pour le dire d'un mot, je dirais que ce qui m'a d'emblée intéressé chez Husserl, et ça, c'était en partant de Sartre, parce qu'on retrouve ça chez Sartre, ce qui m'a d'emblée intéressé, c'est le souci de la description. C'est-à-dire que Sartre, comme Husserl, mais là, ils sont tous les deux très proches, ont le projet d'une psychologie phénoménologique. Et ce qui est intéressant dans cette psychologie phénoménologique, c'est de vouloir décrire le plus précisément des phénomènes. Alors, d'abord des phénomènes comme la perception, bien sûr, des phénomènes comme l'imagination, des phénomènes comme le souvenir. Et en réalité, ce qui m'intéresse le plus, moi, ce sont les phénomènes psychopathologiques. Mais si on veut parler correctement ou bien de ces phénomènes, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Mmh. Et ce qu'il y a de magnifique avec la phénoménologie, c'est que précisément, enfin, et je crois que c'est vraiment nouveau dans l'histoire de la pensée, enfin, on se pose la question de quoi précisément s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination ? Qu'est-ce qu'un rêve ? Qu'est-ce qu'un souvenir ? Qu'est-ce qui distingue le souvenir de l'imagination, la perception, de la lumière, etc. Voilà. Et Husserl permet de répondre à ces questions. Et Husserl offre justement les moyens de répondre à ces questions parce que précisément, il élabore une démarche, on va dire une méthode si on veut, une démarche qui permet, et je reprends une formule qui est le mot d'ordre de la phénoménologie, d'aller aux choses mêmes. Revenir aux choses elles-mêmes. C'est le but de la philosophie. On le dit même en allemand pour faire plaisir aux germanistes, aux germanophones. Mais c'est vraiment le mot d'ordre. Et je crois que c'est vraiment là l'essence même de la phénoménologie. Revenir aux choses mêmes et décrire avant toute chose. Et c'est frappant d'ailleurs quand on discute avec des personnes qui n'ont qui ne sont pas passés par la phonologie, c'est leur incapacité parfois à savoir de quoi ils parlent. Vous parlez avec, par exemple, un psychiatre qui a une formation habituelle, il va parler de l'hallucination comme d'une perception sans objet. Mais qu'est-ce que c'est qu'une perception sans objet? Et là, c'est une vaste question. Et décrire l'hallucination suppose... Alors sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Oui, mais toute description n'est pas de la phénoménologie. Alors voilà, il va falloir maintenant... On va rentrer là dans le cœur de la question. C'est qu'il ne s'agit pas non plus de décrire de descriptions empiriques. Il ne s'agit pas non plus de simplement d'introspection, comme on le dit souvent. Mais l'ambition est plus haute. Et là, on rentre évidemment dans les grandes questions qui vont structurer et qui vont fonder la phénoménologie, à commencer par, et alors là, je fais le lien avec le texte que vous avez lu. Est-ce que vous l'avez reconnu? Bien sûr. Qu'est-ce que c'était, professeur Cabestan? C'était difficile de ne pas le reconnaître. C'était bien sûr Descartes, les méditations métaphysiques. Alors, ce qui est intéressant. La seconde, oui, il faut bien le préciser. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Husserl, lui-même a reconnu. Et il a pas beaucoup, il reconnaît pas souvent sa dette. Enfin, il reconnaît pas souvent une dette parce qu'en fait, il est vraiment original. Mais il reconnaît en tout cas sa dette vis-à-vis de Descartes. Et Husserl, c'est l'auteur des Méditations cartésiennes. Et à tout moment dans son œuvre, il salue justement cette percée de Descartes qui commence par le doute et la découverte d'une vérité première. Je pense, je suis, que vous avez lu. Et c'est fondateur pour Husserl, car en réalité, c'est en remontant à cette affirmation de Descartes, qui a été décisive dans l'histoire de la philosophie française, et même occidentale en général, qu'Husserl va pouvoir prendre ses distances avec Descartes. Il va même montrer que Descartes a raté quelque chose. Oui. Quelle audace. Alors là, c'est une question qui est très intéressante et qui est au cœur, évidemment, de l'entreprise d'Husserl. C'est à la fois de reprendre la démarche cartésienne et de s'en séparer et de s'en distinguer. Je précise qu'il est l'auteur, Husserl est l'auteur de Méditations cartésiennes. Méditations cartésiennes. Dans lesquelles il reprend, après méditation, le travail de Descartes. Et alors, la distinction, on peut l'exposer assez simplement. D'abord, on peut souligner ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est le doute, au sens du doute méthodique. Ce qui, chez Husserl, va s'appeler l'époké et la réduction phénoménologique. Alors, on peut distinguer époké et réduction phénoménologique, mais ça, c'est secondaire. Il y a donc d'abord une démarche commune qui est ce que Husserl appelle la mise entre parenthèses de l'existence du monde. Et donc, il y a aussi évidemment un écho avec Descartes qui met en doute toutes ses opinions et toutes ses croyances qui lui ont été données par son enfance. Alors ça, c'est commun. Et puis, il y a aussi un souci commun chez Husserl et chez Descartes, c'est d'établir une vérité première indiscutable. Là, évidemment, on est à milieu du doute sceptique. Là, il ne s'agit pas de douter pour douter, mais il s'agit de douter pour découvrir une vérité. Mais dans les deux cas, oui. Dans les deux cas. Mais la différence apparaît maintenant, c'est que pour Husserl, ce qu'il s'agit de dégager, et ce que ne fait pas Descartes, il s'agit de dégager ce qu'il appelle la conscience transcendantale. Et alors là, évidemment, il y a un point un peu délicat qui distingue bien Husserl de Descartes, parce que Descartes, lui, dit « je pense, je suis », et il n'interroge pas ce « je suis ». Or, Husserl va faire un pas de plus, il va interroger et mettre entre parenthèses ce « je suis », au sens où il va mettre entre parenthèses le sujet psychologique. C'est-à-dire que Husserl fait remarquer à Descartes qu'en mettant en doute l'existence du monde, l'existence de lui-même, l'existence même d'un dieu qui serait bon, il oublie une chose, c'est de mettre en doute le sujet lui-même qui affirme exactement qu'il est en train de penser. Exactement. Et ça, c'est vraiment l'apport de Husserl. Et donc, c'est toute la critique de ce qu'il appelle le réalisme transcendantal, mais peu importe. C'est la critique de Husserl en disant, mais il faut bien distinguer, alors il vient après Kant, bien sûr, il faut bien distinguer entre le sujet psychologique, qui est un sujet, on pourrait dire en termes techniques, intramondain, c'est-à-dire un sujet qui se trouve dans le monde, et puis le sujet transcendantale. Et donc, on va bien distinguer entre l'ego psychologique et puis l'ego transcendantal. Bon, il va nous falloir définir ce que c'est que transcendantal. On a défini hier époqué, réduction, on va le refaire, d'ailleurs, sûr, Philippe Cabestan, parce que quand même, vous le savez que, en termes de pédagogique, la répétition a vraiment des vertus. Je vous propose qu'on écoute le texte de Husserl dans l'idée de phénoménologie, ces cinq leçons dans lesquelles il reprend avec ses mots la démarche cartésienne et pointe, selon lui, ce qu'il manquait et donc ce qu'il lui reste à faire. Rappelons-nous la démarche cartésienne du doute. En considérant les multiples possibilités d'erreurs et d'illusions, il se peut que je tombe dans un tel désespoir sceptique que je finisse par dire « rien ne m'est certain, tout m'est douteux ». Mais aussitôt, il est évident que tout ne peut pas m'être douteux. Car pendant que je juge ainsi, tout m'est douteux, cela même est indubitable que je juge ainsi. Il serait donc absurde de vouloir maintenir un doute universel. Et dans chaque cas d'un doute déterminé, il est indubitablement certain que je doute de telle façon déterminée. De quelque façon que je perçois, me représente, juge, raisonne, quoi qu'il puisse en être de la certitude ou de l'incertitude de ces actes, de l'existence ou de la non-existence de leur objet, il est absolument clair et certain, en portant le regard sur l'acte de percevoir, que je perçois ceci ou cela. En portant le regard sur le jugement, que je juge ceci ou cela, etc. Descartes a eu recours à cette considération en vue d'autres buts. Nous pouvons cependant, en la modifiant convenablement, nous en servir. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et c'est le troisième temps de notre série sur le philosophe Edmond Husserl cette semaine, donc sur les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie du professeur de philosophie Philippe Cabestan. Et il vous revient la tâche de commenter ce texte. Alors bon, c'est Husserl qui commente Descartes. Et vous aviez donné les clés pour comprendre ce que dit Descartes. Donc ça, je pense qu'on l'a compris. L'ouverture, nous pouvons cependant, en la modifiant, la démarche de Descartes, convenablement nous en servir. Le ton est lancé. Voici la pierre qu'Husserl va apporter à l'édifice cartésien. Vous aviez commencé à esquisser la solution. Vous aviez distingué le sujet psychologique du sujet transcendantal. Question, qu'est-ce que ça veut dire transcendantal ? Alors, ici, le mot doit pas trop impressionner. Souvent, on se laisse comme ça décontenancer par le mot transcendantal. Il a une histoire, ce mot. Bien sûr, on le connaît déjà chez Kant, et il désigne à ce moment-là la condition de possibilité, la conscience en tant que elle dégage les conditions de possibilité de l'expérience. Mais chez Husserl, le sens est un peu différent. Et je vais plutôt m'arrêter, bien sûr, sur le sens chez Husserl. Transcendantal désigne, qualifie la conscience, ses actes, en tant qu'ils sont dévoilés et en tant que la conscience est dévoilée par l'opération de la réduction phénoménologique. Ah, et donc il faut redéfinir voilà. Ce que c'est que la réduction phénoménologique. Alors, mais les deux choses se tiennent et on peut le comprendre quand même assez facilement. La réduction phénoménologique, c'est une opération qui consiste à mettre le monde entre parenthèses, comme on dit. Il s'agit de mettre entre parenthèses, plus exactement, le monde en tant qu'il existe. Et donc je suspends l'existence du monde, je suspends tout ce que je pose dans l'attitude naturelle comme existant, et cette opération est décisive parce qu'elle permet, et là on se distingue de Descartes, elle permet de dégager ou de dévoiler la conscience dite transcendantale, et cette conscience est dite transcendantale parce que justement elle est le résultat de cette opération, et elle apparaît comme constitutive du monde. Et donc la conscience transcendantale, c'est la conscience en tant qu'elle est constitutive de l'objet intramondain et plus largement des objets et du monde lui-même. Donc ça veut dire, si je fais l'effort de suspendre le monde existant autour de moi, c'est un exercice de pensée, alors ma conscience m'apparaîtra pour ce qu'elle est, c'est-à-dire constitutive de ce monde-là. Exactement, c'est-à-dire que dans l'attitude naturelle, nous posons les objets... Comme étant donnés, voilà. Fait, c'est nous qui les donnons ? Alors il faudrait être là un tout petit peu plus nuancé. La conscience est constitutive, on n'est pas dans un idéalisme absolu à la Berkeley. Le monde n'est pas simplement une représentation. Mais on est dans un idéalisme tout de même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience, et alors ça c'est une formule clé de Husserl, est donatrice de sens. Et donc là, si on comprend bien la démarche de Husserl, c'est que la conscience, une fois la réduction opérée, la conscience, justement, apparaît elle-même comme donatrice de sens. C'est elle qui pose cet objet comme réel. C'est elle qui pose cet objet comme irréel, par exemple, lorsque j'imagine. Et donc, ici, la conscience est bien donatrice de sens, et c'est elle qui va constituer les objets. Alors que pour Descartes, c'était Dieu qui donnait la réalité aux objets ? Alors que pour Descartes, c'est Dieu qui... Le monde existait indépendamment de ma conscience, tout à fait. En tout cas. Mais, alors... Ici, on peut dire aussi que, en un sens, pour Husserl, le monde existe indépendamment de ma conscience, parce que c'est, encore une fois, ce n'est pas un pur idéalisme. Mais, le monde tel qu'il m'apparaît, est constitué par la conscience. Et donc là, il y a une différence entre le monde tel qu'il m'apparaît, parce qu'il est constitué par ma conscience, parce que ma conscience donne sens à ce que je perçois, donne sens aux objets. Et c'est ma conscience qui les pose comme réels ou qui ne les pose pas comme réels. D'où la possibilité de cette réduction, c'est-à-dire de cette mise entre parenthèses de non-position du monde. Donc en fait, Husserl fait remarquer que Descartes n'est pas lui-même phénoménologue. C'est-à-dire alors voilà, Descartes n'est pas phénoménologue parce que sa démarche, au fond, une fois admis que tous les deux ont une visée, une démarche semblable, il faut quand même bien séparer la distinction. Parce que Descartes, lui, va donc découvrir une vérité. À partir de cette vérité, il va essayer d'établir une autre vérité, l'existence de Dieu. Et là, on n'est plus du tout chez Husserl. Parce que ce qui intéresse Husserl, c'est d'arriver, grâce à l'époque, à dévoiler la conscience transcendantale et à la décrire. À décrire ses actes et à décrire d'abord sa structure première, fondamentale pour Husserl, qu'on appelle l'intentionnalité. C'est la fameuse formule « toute conscience est conscience de quelque chose ». Vous n'avez pas une conscience qui est un pur sujet replié sur lui-même, ça n'existe pas. Vous avez toujours une conscience qui vise un objet qui est dans le monde. Et donc, toute conscience est conscience de quelque chose, on a une structure fondamentale de la conscience, et là, on est en phénoménologie. On va essayer de décrire justement les différents actes de cette conscience intentionnelle, selon qu'elle perçoit, selon qu'elle rêve, selon qu'elle imagine, alors voilà, selon qu'elle conçoit, etc. Ce sont les différentes modalités. Maintenant que nous sommes entrés à l'intérieur de la conscience, Philippe Cavestan, on peut essayer de décrire. Procédons en bon phénoménologue et décrivons les actes qui émanent de cette conscience de manière active, les actes qu'elle-même peut produire. Vous l'avez dit, elle peut penser, elle peut rêver, elle peut imaginer, ce sont autant de modalités d'expression, d'être de cette conscience. Ce sont les différentes attitudes, les différentes modalités de la conscience. Une conscience peut être, alors comme d'ailleurs c'est une formule que j'emprunte de la Sartre, elle peut être imageante, c'est-à-dire qu'elle peut imaginer. Et alors c'est mieux de dire conscience imageante parce que Husserl justement permet de se dégager d'une psychologie des facultés. Il n'y a pas une conscience avec la faculté imaginée. Non, il y a une conscience qui est imageante ou une conscience qui est perceptive. Et à chaque fois, la conscience a une structure bien particulière qu'il faut décrire. Il y a bien sûr cette structure intentionnelle, mais ça, c'est le point de départ. Mm-hmm. Mais vous voyez ici, et là, il me semble que du point de vue, même d'un simple point de vue psychologique, l'apport de la phénoménologie est extrêmement précieux parce qu'on rompt avec une psychologie des facultés pour tenter de saisir la conscience dans ses différentes modalités. Par exemple, une conscience qui conçoit, c'est pas la même chose qu'une conscience qui perçoit, ou une conscience qui est dans une semi-somnolence, etc. Une conscience onirique, c'est encore autre chose, etc. Alors, on va essayer de bien comprendre, parce que tout ce que vous dites n'est pas forcément intuitif et absolument passionnant. Husserl peut-il faire l'expérience de la conscience ? Est-ce que finalement, il ne remplace pas le cogito par la conscience, cette espèce de point aveugle à l'origine de tout, mais dont on ne peut pas prouver l'existence ? Alors, moi, je vous propose une chose, déjà, c'est de... Alors, c'est ambitieux, mais de d'abord se donner une petite définition de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Je dirais, la conscience, c'est la présence à soi et au monde. C'est ça. Et cette conscience, pour Husserl, elle peut faire l'objet d'une description par ce qu'il va appeler la réflexion phénoménologique, c'est-à-dire le retour de la conscience sur elle-même, sur ses propres actes et sur sa propre structure intentionnelle. Quand je dis que toute conscience est conscience de quelque chose, je décris la conscience, mais mon attitude est une attitude réflexive, au sens où la réflexion, c'est cette possibilité d'un retour de la conscience sur elle-même. Oui, ça implique que la conscience puisse être transparente à elle-même. Que la conscience puisse être conscience de la conscience. Ah bien sûr, mais ça, je veux dire que c'est une expérience très commune. Ah bon ? Nous sommes, par moments, alors, il y a toujours deux possibilités. C'est ce qu'on peut appeler la différence entre un cogito pré-réflexif, où la conscience vise un objet du monde, elle est happée par le monde, elle ne fait aucun retour sur elle-même. Et puis, il y a un cogito réflexif, et ce cogito, c'est la possibilité pour la conscience de faire retour sur elle-même et d'analyser, par exemple, tiens, je suis amoureux. Alors voilà, prenons un exemple justement. Alors ce ne sera pas celui de l'amour, mais celui de la mélancolie, pourquoi pas. C'est la trapéziste que l'on trouve dans le film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Imaginez une trapéziste qui tente de virevolter, mais qui est toujours alourdie dans son vol par la mélancolie. Voici le type de pensée qui pourrait traverser sa conscience et qui l'empêcherait de s'envoler dans les airs. Jamais ce soir. Pas de trapèze le soir de pleine lune. pas la dernière fois. La toute dernière fois. Je pense que je dois arrêter ce rêve. Fini le cirque. Fini. De nouveau. Le soir tombe dans ma tête. La peur. Peur de la mort. Pourquoi pas la mort? L'essentiel, parfois, n'être rien que beau. Se regarder dans le miroir, c'est se regarder penser. Qu'est-ce que tu penses alors? Je pense que j'ai bien encore le droit d'avoir peur, mais non plus d'en parler. Tu n'es toujours pas devenu aveugle. Le cœur bat toujours. Et voilà, tu pleures. Tu voudrais pleurer comme une toute petite fille qui a un gros chagrin. Tu sais pourquoi tu pleures? Pour qui? Pas pour moi. Non, je sais plus. J'aimerais savoir. Je sais rien. J'ai un petit peu peur. C'est parti. C'est plus là. Ça va revenir. C'est pas grave. Avoir conscience d'un sentiment peut-il nous empêcher d'agir? Une trapéziste terrassée par la peur peut-elle encore exécuter son numéro? Un peu plus loin dans l'extrait, elle le dit bien, hein, ce personnage dit « Je suis trop consciente pour être triste, je regarde devant moi, le monde me monte au cœur ». Autant de phrases qui s'insèrent très bien dans un raisonnement husserlien, Philippe Cabestan. Alors, ce que je trouve très très bien dans cet extrait, c'est que on voit bien apparaître ce qui caractérise la réflexion, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le dédoublement réflexif. Qu'est-ce qui caractérise la réflexion? C'est que justement, je fais retour sur moi. Je ne vise plus un objet du monde, je ne suis plus capté par le spectacle du monde, si je puis dire, par ce qui se passe, mais tout d'un coup, je fais retour sur moi, sur ce que j'éprouve. Et donc, tout d'un coup, je me dis, j'ai peur. Ou, ce que je disais tout à l'heure, tiens, je tombe amoureux, ou etc. On peut évidemment varier à l'infini. Et la réflexion, dans ce cas-là, est la possibilité de saisir et par-delà le saisissement de ce moment singulier, et l'ambition husserlienne est plus vaste, elle est plus large, par-delà donc le saisissement de ce moment singulier, ce qu'il s'agit de saisir, c'est l'essence même de ce qui se passe, c'est-à-dire la structure même de la conscience. Et donc à ce moment-là, on pourrait s'interroger sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est que la peur? Et le point de départ, ce sera bien sûr ce retour réflexif du sujet sur lui-même qui d'abord saisit ce qu'on peut appeler une expérience de peur. Et quelle différence, par exemple, avec l'introspection? Alors là, c'est la grande question. Parce que il y a certains psychologues qui se sont inspirés de Husserl, mais dans une lignée plus introspective. Mais pour Husserl, la réflexion phénoménologique n'est pas l'introspection, pour deux raisons. Une première raison, c'est d'abord parce que la réflexion phénoménologique est subordonnée à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir la réduction, l'époque phénoménologique. Il y a donc une opération fondamentale que n'opère pas la psychologie introspective. La psychologie introspective, elle relève d'une démarche purement empirique. C'est le retour sur soi et l'analyse de soi. Chez Husserl, il y a un élément décisif qu'on a évoqué, donc c'est la réduction. Il y a un deuxième élément, c'est que la visée de Husserl et la visée de la phénoménologie husserlienne, c'est la visée de l'essence. Il s'agit de saisir l'essence même du phénomène. Et donc, on ne va pas se contenter d'énumération, on ne va pas se contenter de détailler ce qui m'apparaît empiriquement, mais il s'agit de dégager la structure de l'émotion, la structure de la conscience émue, la structure, par exemple, de la colère, de la peur, etc. Mais il y a une visée, alors on dit, c'est un terme un peu technique, mais on peut le prononcer, il y a une visée eidétique, c'est-à-dire une visée de l'essence du phénomène. Eidétique d'eidos. Eidos, voilà, ça vient bien sûr du grec eidos, hein. On essaye donc de saisir la structure eidétique du phénomène. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'introspection. Est-ce pour ça que l'époque, donc la suspension du jugement sur le monde est nécessaire, parce que pour pouvoir avoir accès à cette conscience de manière aussi lucide, quasiment, il faut enlever tous les obstacles que sont les émotions. Alors, parce que si je ressens de la peur, et je reviens à l'exemple qu'on a entendu, si je ressens de la peur, je ne peux pas avoir accès à ma propre conscience, puisque la peur fait écran. Alors, il y a une possibilité, parce qu'effectivement, dans le cadre de la peur, dans le cadre des émotions très violentes, l'émotion ici fait obstacle à la réflexion. Mais il est toujours possible de, par exemple, de faire réflexion sur un souvenir. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de la réflexion à partir d'un souvenir de la peur. Et je puis à ce moment-là essayer de décrire cette peur en recourant donc au souvenir de la peur que j'ai vécue hier ou avant-hier, etc. Alors ça, dites-nous, parce que c'est passionnant, on n'a pas encore parlé, l'importance du souvenir justement pour Husserl. Il a même cette expression magnifique, il parle de ressouvenir. Le ressouvenir, oui. Alors, le terme ressouvenir a sa justification. Pourquoi il parle de ressouvenir plutôt que de souvenir? Parce que il y a, et là on est au cœur de la conscience husserlienne, et à nouveau on va pouvoir distinguer Husserl de Descartes, il y a chez Husserl un souci de du temps. Un souci, une réflexion très profonde sur le rapport entre la conscience et le temps. Et Husserl va rédiger, dès 1905, une phénoménologie, ce qu'il appelle une phénoménologie de la conscience intime du temps. Pourquoi intime? Parce que justement, il y a un lien intime entre le temps et la conscience. On pourrait le dire d'une autre manière, on pourrait dire que la conscience ne peut pas être ce qu'elle est sans se temporaliser. Et donc, la conscience est temps. Alors, ça peut même déjà annoncer Heidegger avec être étant, mais en restant dans le cadre de Husserl, la phénoménologie est une phénoménologie de la conscience et en même temps une phénoménologie de la conscience du temps. Et essayer de décrire le temps, essayer de décrire la temporalisation de la conscience, c'est l'entreprise, alors une entreprise, j'ai envie de dire quasi prométhéenne, tellement elle est ambitieuse, hein, c'est l'entreprise de Husserl. Et dans cette entreprise, il va d'abord se poser la question du rapport au passé. Et là, bien sûr, apparaît la notion de souvenir. Hein. Et il va dégager dans ce rapport au passé la distinction entre le rapport au passé, plus ou moins lointain, et puis le rapport au tout juste passé. Et là, il introduit une notion qui est nouvelle, qui est très intéressante, c'est la notion de rétention. La conscience est conscience non pas de l'instant, et là on est chez Descartes, et là Husserl se démarque de Descartes, parce que chez Descartes, alors bien sûr après ça se discute, mais on peut trouver chez Descartes une conception instantanéiste du temps, c'est-à-dire le temps, c'est une succession d'instants. Je suis, j'existe, dès que je dis que je suis, j'existe. Voilà, dans l'instant. Quand je ne le dis pas, je ne sais pas si j'existe. Alors que chez Husserl, on va avoir une conception de ce qu'il appelle le présent vivant. Et ce présent vivant, ce n'est pas simplement l'instant, mais c'est le tout juste passé qui fait l'objet de la rétention et le tout juste avenir. De telle sorte que vivre dans le présent et décrire cette existence dans le présent, c'est décrire non pas l'instant, mais c'est décrire le moment présent en tant qu'il s'élargit au tout juste passé et au tout juste avenir. On n'est pas très loin de Bergson, là. Non, on est tout à et c'est tout à fait passionnant parce que ils sont contemporains d'ailleurs. Ils sont en gros contemporains. Ils sont contemporains. Oui. Et effectivement, la question du temps va être centrale chez Bergson. Et lui, il va penser le temps et la vie, mais aussi le temps et la conscience, c'est les données immédiates de la conscience, bien sûr. Husserl effectivement, lui aussi se heurter, parce que c'est une question extrêmement difficile, se heurter à cette question du temps et du rapport entre le temps et la conscience. Pour ceux qui seraient réfractaires à cette idée, justement, et qui trouveraient difficile d'imaginer comment la conscience peut être intrinsèquement temporelle, et comment saisir le présent est aussi toujours saisir ce qui vient de se passer le juste avant et peut-être le juste après, eh bien je propose un détour, si on laisse de côté un instant Husserl et le texte philosophique, un détour par l'écrivain du temps et de la conscience temporelle, à savoir Marcel Proust. Écoutez le narrateur décrire sa conscience justement et ce qu'elle devient lorsqu'il se retrouve face aux aubépines qu'il humait lorsqu'il était plus jeune. J'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée, qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me le laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite sans descendre plus avant dans leurs secrets. Je me détournais d'elles un moment pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Puis je revenais devant les aubépines, comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m'aidaient pas à l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire. Alors, me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celle que nous connaissions, ou bien si l'on nous mène devant un tableau dont nous n'avions vu jusque-là qu'une esquisse au crayon, si un morceau entendu seulement au piano nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de l'orchestre, mon grand-père, m'appelant et me désignant la haie de Tansonville, me dit « Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose, est-elle jolie ?» France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Husserl et vous venez d'entendre un texte de Marcel Proust lu par Daniel Mesguich. Le texte tombe à point nommé, Philippe Cabestan, puisque que cherche à faire le narrateur si ce n'est à tenter de saisir l'essence de l'aubépine en la décrivant. Et c'est difficile, dit-il. Est-ce qu'il y a quelque chose de phénoménologique, puisque c'est tout le projet de la recherche du temps perdu, que d'essayer de saisir l'essence du temps en décrivant les phénomènes qui tentent de nous en rapprocher? Alors il y a évidemment une grande proximité entre ici on va dire Bergson, Proust et puis Husserl, puisque à chaque fois on interroge le temps et notre rapport au passé. Et là il y a une formule que j'aimerais souligner qui me semble vraiment intéressante, c'est une comparaison avec les mélodies. Ouais. Parce que la mélodie c'est ce qu'on appelle un objet temporel, c'est-à-dire c'est un objet qui se présente de manière paradigmatique pour pouvoir décrire la conscience du temps. Dans la mesure où une mélodie, ce n'est pas une succession d'instants. Une mélodie, parce que si on saisissait que des instants, à ce moment-là, on n'entendrait pas la mélodie. Et c'est pourquoi aussi bien Bergson que Husserl donnent l'exemple de la mélodie pour réfléchir sur la conscience du temps. Parce que la mélodie, évidemment, pour la saisir en tant que telle, il faut se souvenir du tout juste passé et anticiper la note à venir. Et c'est intéressant de voir que Proust lui-même reprend ce terme de mélodie pour faire sa comparaison. Husserl écrit, hein, prenons l'exemple d'une mélodie, pendant que résonne le premier son, le second arrive, puis le troisième, ne devons-nous pas dire quand le second son résonne, alors je l'entends lui, mais je n'entends plus le premier. Le son commence et il cesse, c'est toute l'unité de sa durée, l'unité de tout le processus dans lequel il commence et il finit, tombe après sa fin dans le passé toujours plus lointain. Dans cette retombée, ajoute-t-il, je le retiens encore, je l'ai dans une rétention et tant qu'elle se maintient, il a sa temporalité propre, il est lui-même, sa durée est la même. Oui, ça c'est un très beau texte donc de la phénoménologie de la conscience intime du temps. Et je crois que là, on peut bien distinguer entre le souvenir et la rétention. Pourquoi ? Parce que le souvenir ou le ressouvenir, comme dit Husserl, le ressouvenir pose ton objet comme un objet passé. Il appartient à un passé révolu. Par exemple, je me souviens que l'année dernière, j'étais en vacances à Syracuse, etc. Ça, c'est posé comme passé. Alors que la rétention, c'est le tout juste passé. Le tout juste passé en tant qu'il constitue le présent vivant. Et donc, on a une différence fondamentale entre ce que Husserl décrit sous forme de rétention, sous la forme de rétention de rétention, et puis le ressouvenir qui, lui, appartient à un passé révolu. Ça veut donc dire, est-ce qu'on peut aller jusque-là, que toute l'analyse de Husserl, à la suite de Descartes, et essayant de, peut-être pas de contredire, mais de limiter Descartes ce faisant, vise à montrer que l'individu, la conscience et le monde sont faits du même tissu, dira Merleau-Ponty plus tard, que l'homme n'est pas un empire dans un empire, que finalement il y a, peut-être par la temporalité, peut-être même par l'espace, qu'il y a un lien consubstantiel entre l'homme et le monde qui abolit toute forme de distinction entre les deux. Alors, jusqu'où faut-il aller ? Ce qui est intéressant chez Husserl, et dans la phénoménologie de manière générale, c'est que on essaye de dépasser l'opposition du sujet de l'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sujet d'un côté et l'objet, le monde, de l'autre. Alors, il faut toujours penser le sujet dans sa corrélation avec le monde, avec les objets du monde, de telle sorte qu'on ne sépare pas l'un de l'autre, mais il faut les penser ensemble. Et évidemment, la conscience va être toujours, comme on l'a dit, conscience de quelque chose, conscience structure, elle a une structure intentionnelle, et donc elle n'est pas séparable du monde. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont de la même étoffe? Alors là, je ne dirais pas. Parce que ce qui caractérise la conscience, justement, c'est elle est présence à soi, et elle est présence à soi d'un objet qui, lui, ne l'est pas. Donc on ne peut pas dire qu'elle est de la même étoffe. La conscience, elle se temporalise, elle est d'une certaine manière temps, et là c'est un point très important parce que on peut même, alors là on peut discuter bien sûr, les spécialistes de Husserl vont discuter, mais on peut faire un pas de plus en disant que si la conscience est temps, alors peut-être que la conscience n'a pas cette réalité substantielle que lui donne par exemple le cogito cartésien. Oui voilà, je vous interrogeais tout à l'heure sur la substance. Voilà, exactement. C'est-à-dire que on peut évidemment penser l'ego cogito comme un ego substantiel. Et on peut se poser la question, et Husserl se posera la question, bien sûr, la nature de la conscience, et est-ce qu'on peut assimiler la conscience à une substance, c'est-à-dire à cela qui existe de manière permanente? Ou bien est-ce que pour penser adéquatement et décrire adéquatement la conscience, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ce concept de substance, et peut-être que c'est précisément le temps lui-même qui permet de dépasser une conception substantielle, une conception réifiante de la conscience. Et là, on peut peut-être voir bien l'opposition entre la conscience psychologique, telle qu'elle est posée comme objet, et je dis objet de manière tout à fait volontaire, la conscience psychologique qui est posée comme un objet, comme une psyché, comme un objet du monde, qui est réifié, et qui est peut-être là justement une substance, qui est posée comme une substance, comme quelque chose de permanent. Et puis, la conscience transcendantale qui précisément, alors, d'une certaine manière, peut-être, n'est pas un objet. Ça, c'est ce que disait Kant, exactement. Il reprochait justement à l'identité d'être psychologisant, d'objectiver le jeu, alors que le jeu transcendantal est celui qui va unir, les représentations entre elles. On peut dire ça, d'accord. Alors que Husserl n'est pas toujours d'accord avec Kant. Non, pas toujours, non. Mais effectivement, vous avez raison, j'avais pas pensé à ce rapprochement avec Kant. Ouais. Alors, on a essayé de décrire la conscience, notamment dans sa visée, disons, de connaissance. Vous avez dit, voilà, la conscience peut aussi imaginer, rêver. Et ce ne sont pas des facultés, c'est la conscience elle-même. J'aimerais comprendre ce point. Pourquoi c'est important pour Husserl de dire que la conscience n'est pas l'agglomérat de plusieurs facultés? Voilà. Eh ben, on peut prendre, par exemple, la conscience qui imagine. La conscience qui imagine, c'est pas simplement une conscience plus l'imagination. Et ça, c'est ce qu'introduit une psychologie des facultés. C'est-à-dire que je modifie pas ma conscience, mais simplement je m'interroge sur cette faculté, cette capacité, cette possibilité d'une conscience d'imaginer. Or, ce qui est intéressant quand on rompt avec cette psychologie des facultés, c'est que précisément, on va essayer de saisir la conscience comme totalité et la conscience qui imagine comme une totalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas une conscience qui est identique à elle-même, quelles que soient ses différentes facultés, mais c'est une conscience qui se modifie en profondeur, qui est totalement différente selon ses différentes modalités. Et donc, de ce point de vue, une conscience qui imagine n'a, si je puis dire, rien à voir avec une conscience qui perçoit. C'est pas du tout, on peut pas confondre l'un et l'autre. De même qu'une conscience qui imagine, c'est pas une conscience qui se souvient. Et là, il y a des très belles descriptions, par exemple, de Husserl, dans ses leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, où il distingue d'emblée, radicalement, entre imaginer et se souvenir. Ce n'est pas la même chose. Et la conscience qui imagine n'est pas la conscience qui se souvient. Et donc, là, il y a vraiment un apport très fructueux, très fécond de la phénoménologie, puisque on n'a pas une conscience qui serait toujours identique à elle-même, quelles que soient ses opérations, mais à chaque fois, on a une structuration différente de la conscience selon ses différentes modalités. On l'a dit, Husserl écrit surtout au début du XXe siècle, il est contemporain de Bergson, il est aussi contemporain de Freud. Difficile d'avoir cette discussion sans vous poser la question de la place pour Husserl de ce qu'on appelle l'inconscient. Alors, je me souviens qu'on a fait ensemble une émission il n'y a pas si longtemps, il y a un an peut-être, sur une psychanalyse sans inconscient. Et alors, je dirais, c'est très simple, on peut répondre très très simplement à ça. Tout dépend de ce qu'on appelle l'inconscient. Si c'est l'inconscient freudien, au sens donc du refoulé, au sens où il y aurait des pulsions qui sont refoulées, des représentations, etc. Alors évidemment, là on est loin de Husserl. Mais beaucoup de Husserliens s'interrogent sur la possibilité de retrouver d'une certaine manière la psychanalyse freudienne, une réflexion sur peut-être pas l'inconscient, mais le non-conscient, pour peut-être distinguer l'un et l'autre. Comme ça, il y a le concept freudien d'inconscient, et puis il y a le non-conscient, ce dont on n'a pas conscience. Et ici, s'ouvre devant nous ce que les Husserliens appellent la psychologie génétique. Alors, on distingue habituellement entre la phénologie statique, qui est une phénologie qui vise les objets, qui vise à décrire la manière dont la conscience constitue le monde, constitue ces objets. Et puis, il y a une phénologie génétique, c'est-à-dire une phénologie qui s'interroge sur ce qu'on appelle les synthèses passives, sur la genèse passive de la conscience. Alors ça, c'est un vaste chantier. C'est un point difficile, mais je voudrais juste souligner, c'est oui. que pour Husserl, d'un point de vue phénologique, il y a des ponts possibles, et certains ont tenté de les établir, il y a des ponts possibles avec une réflexion sur peut-être ce que j'appellerais l'inconscience. Encore une distinction. Plutôt que l'inconscient. Hein, plutôt que l'inconscient au sens de Freud, qui est un concept très très particulier. Bon, Freud n'a pas le monopole de l'inconscient. Voilà, non plus, c'est hein. ça. Que peut-être que justement, et moi ce serait l'idée que je défendrais, c'est qu'il faut essayer de penser un inconscient non freudien. Il faut essayer de penser une forme d'inconscience, mais qui ne coïncide peut-être pas avec le refoulement de pulsions libidinales, etc. Husserl écrit « Philosophe, nous qui cherchons encore notre point de départ, nous n'admettons comme valable aucun idéal de science normative. Notre but général est de donner aux sciences un fondement absolu. » Sartre répond « On n'a jamais vu une vraie théorie scientifique, par exemple, convaincre les gens de telle manière que son auteur de son vivant puisse s'en déclarer satisfait. » Ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de Sartre, j'imagine surtout pour vous, Philippe Cabestan, vous qui l'aimez tant, vous l'aimez autant qu'Husserl au moins, non? Au moins, je ne sais pas si je les aime, je ah sais bon pas si c'est un rapport affectif, mais les deux m'intéressent. Non, je ne suis pas, les deux m'intéressent, d'ailleurs je suis toujours frappé par la voix métallique de Sartre, ouais. Pas qu'il y a une voix très sympathique. C'était oui. en 75 oui. au micro de Michel Conta, et c'est vrai, oui. en fonction de son âge, sa voix varie. Oui. En tout cas, l'idée d'être interrogé l'héritage husserlien dans la pensée sartrienne, il est réel. Alors, évidemment, c'est la référence. Je me suis longtemps demandé si Sartre était le Sartre de l'être et le néant. Je laisse de côté le deuxième Sartre de la critique de la raison dialectique, mais je me suis longtemps demandé si le Sartre de l'être et le néant était plus proche de Husserl que de Heidegger, ou de Heidegger plutôt que de Husserl. Et là, maintenant, je dirais très nettement, en dépit des apparences, puisque être étant et l'être et le néant, les deux titres comme sont très proches, en fait Sartre est profondément husserlien. Il est profondément husserlien parce que c'est d'abord et avant tout une phénoménologie de la conscience. Et là on peut bien distinguer, je dirais, Heidegger et Husserl, Heidegger et Sartre. Heidegger justement va tourner le dos à une phénoménologie de la conscience. Il va tourner le dos au cogito. Sein und Zeit ne commence pas par le cogito. Être étant. Pardon. Français. Être étant, excusez-moi, oui. Être étant ne commence pas par le cogito. Alors que Sartre, Husserl, Descartes, le point de départ, c'est le cogito. Pour le point de départ pour Sartre, c'est ce qu'il appelle le cogito pré-réflexif. Ce qu'il appelle le pour-soi, c'est un terme technique pour désigner la conscience. Et donc, on retrouve ici une proximité, une très grande proximité avec Husserl et avec ce désir de décrire la conscience. Et alors, il y a bien sûr, chez Sartre, un élément de plus, c'est qu'on va décrire la conscience dans une perspective ontologique. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur l'être de la conscience. Et effectivement, Sartre, lui, va s'interroger sur le caractère non substantiel de la conscience. Il va aller de ce point de vue-là, il va aller d'une certaine manière plus loin que Husserl, parce que Husserl reste encore, d'une certaine manière, on peut le dire, il reste d'une certaine manière encore comme prisonnier d'une conception substantialiste de la conscience. Mm-hmm. On pourrait le dire, il y a des textes dans les IDN, etc. Mais Sartre, là, va être plus radical. Il va justement développer une phénoménologie de la conscience, mais une ontologie aussi de la conscience, pour saisir cette conscience comme non substantielle. Et ce qui permet notamment de saisir cette non-substantialité de la conscience, c'est le temps. Parce que justement, la conscience, elle se temporalise. Et donc, elle ne peut pas être une substance. Et ce à quoi la philosophie de Sartre donne jour, ce qu'il appelle l'existentialisme, qui est cette conscience jetée dans un monde qui sans direction à suivre, ni direction qui le précéderait. Est-ce qu'on en trouve un peu l'équivalent chez Husserl? Est-ce qu'il y a une forme d'éthique ou d'ontologie de l'agir chez Husserl? Alors là, je serais un peu embarrassé pour répondre, parce que il y a dans l'existentialisme, surtout alors peut-être après l'être et le néant, il y a une interrogation très forte chez Sartre sur l'action, sur la possibilité alors, de l'action politique, bien sûr, ce qui va le conduire à la critique de la raison dialectique. Effectivement, la réflexion de Husserl sur l'action proprement dite, je dirais que voilà. C'est pas l'objet principal. Je dirais pas ça. Les pages éthiques de Husserl. Alors, il y a une éthique, hein. Alors, ce qu'il y a de bien chez Husserl, c'est qu'il y a une œuvre qui est tellement énorme. Il y a des dizaines et des dizaines de volumes de ce qu'on appelle les Husserliana, c'est-à-dire ces volumes consacrés, qui rassemblent les textes de Husserl, qu'il y a bien sûr des textes de Husserl consacrés à l'éthique, hein. Il y a une éthique husserlienne, ça, on peut pas l'ignorer. Mais il n'y a pas la même place pour l'action que chez Sartre. Il y aurait des différences à faire. On va retrouver Husserl à la fin de sa vie à travers le témoignage d'Alfred Schütz, qui est un philosophe des sciences sociales, qui est porteur d'une approche phénoménologique et sociologue, considéré comme le fondateur de l'idée d'une sociologie phénoménologique. Il raconte sa dernière visite chez Husserl à la fin de sa vie. Ma dernière visite chez Husserl a eu lieu vers Noël 37. Husserl était déjà très malade. Je m'ai mis à la disposition de Madame Husserl si je peux faire quelque chose pour les malades. Et Madame Husserl m'a demandé ceci. Le médecin a prescrit du jus de fruits, jus d'orange pour les malades. Et il n'y avait pas une seule orange à Fribourg qui pourrait être achetée. Alors Madame Husserl m'a demandé d'organiser peut-être l'envoi des quelques oranges de Bâle, d'où je suis venu, à Fribourg. C'est ce que j'ai fait. Mais il y avait aussi, dans ce cas-là, des limitations. On pouvait seulement envoyer 5 kg le mois sous le régime allemand. Alors je suis dans la position que je pouvais seulement montrer ma gratitude à un homme qui était fondamental pour ma pensée, par lui envoyer, dans sa dernière maladie, quelques kilogrammes d'oranges de la Suisse pour lui remercier. Vous le connaissez, Alfred Schütz, Philippe Cavestin ? Pas très bien, mais c'est un nom que je connais quand même, parce que c'est une figure importante de la sociologie phénoménologique. Donc, c'est un nom que je connais. Et le témoignage est émouvant, parce que on retrouve ce sens de la gratitude. On doit beaucoup à Husserl. Oui. C'est un peu évidemment peut-être un peu déplacé, mais je me sens en tout cas fils de la philosophie husserlienne, parce que j'ai appris la philosophie grâce à Husserl. C'est donc la philosophie ou la phénoménologie. Et je distinguerai pas les deux. C'est vrai. Vous allez jusque là. La véritable philosophie, c'est la phénoménologie, mais bon. Avec un sens de la nuance, n'est-ce pas? Mais justement, c'était le sens de cet extrait, de vous interroger sur cette postérité, parce qu'en effet, les gens qui en parlent, on a entendu aussi Coiré hier qui rapportait un témoignage, les gens qui parlent de Husserl en parlent avec énormément de gratitude, presque parfois une forme d'obéissance. Il est considéré comme un maître dans le milieu philosophique, dans le milieu phénoménologique, sa postérité est très grande, et pourtant... il n'est pas passé du côté du grand public. Quand on parle de Husserl, on s'adresse à des spécialistes, oui, et à des philosophes. Oui, et je trouve que j'en profite d'ailleurs pour faire une distinction. J'aime bien dire qu'en philosophie, il y a quand même des seconds couteaux. Et puis, il y a quelques grandes figures. Et Husserl, c'est sans hésitation, c'est une grande figure de l'histoire de la philosophie, comme Aristote, comme Descartes. Et même, alors là, certains me reprocheront ce que je veux dire, mais je pense véritablement que quelqu'un comme Descartes est un grand philosophe francophone, c'est l'une des grandes figures de la pensée française au XXe siècle, mais par rapport à Husserl, ça reste un second couteau. Et Sartre sait très bien qu'il doit beaucoup à Husserl. Il a écrit un texte magnifique qui s'intitule « Une pensée fondamentale, la phénoménologie, l'intentionnalité », une pensée fondamentale, ouais, de Husserl, la phénoménologie, l'intentionnalité, pardon. Et il sait tout ce qu'il doit à Husserl, parce qu'il a bien conscience, et d'ailleurs pour lui, la lecture de Husserl en 33 à Berlin, cette découverte de la phénoménologie a été comme une sorte de révélation. Il a pu enfin écrire, enfin travailler, parce qu'il a trouvé un auteur à partir duquel il pouvait penser, avec lequel il pouvait se battre, et on n'en a pas fini avec Husserl. Mais est-ce qu'on ne peut pas distinguer plus simplement, peut-être, ou tout simplement, au moins deux axes de l'histoire de la philosophie? Il y a celui pris par Descartes et celui sans doute dont Husserl porte le flambeau. Alors, moi, sans que ce soit une hiérarchie, c'est deux façons différentes d'écrire cette philosophie. Non, je dirais alors, du point de vue de l'histoire de la philosophie, je mettrais vraiment Descartes, Husserl, Sartre, et d'une certaine manière, Merleau-Ponty, en tout cas le premier Merleau-Ponty, celui de la phénoménologie de la perception, j'établirais vraiment une parenté étroite, il y a une lignée. Alors, après, on peut considérer, comme je vous ai proposé, de considérer que Descartes, Merleau-Ponty, par rapport à Husserl, sont des épigones. Second couteau, disiez-vous. Oui. Et aujourd'hui je crois que vous allez recevoir Jean-Luc Marion. Il y a un cogito érotique chez Jean-Luc Marion. Et donc, je mettrai bien sûr Jean-Luc Marion dans le prolongement de cette tradition qui, en tout cas, remonte jusqu'à Descartes, qui passe par Husserl. Alors, qui passe par Sartre, je ne pense pas que Jean-Luc Marion ferait le passage par Sartre, parce que ce n'est pas un auteur qu'il apprécie spécialement. Mais pour moi, il y a une continuité évidente dans la pensée, là. Bon, on s'assurera qu'il écoutait cette fin d'émission avant de venir demain. Merci beaucoup Philippe Cavestan d'être venu nous parler. Merci Adèle. De Husserl, de votre Husserl ce matin. On peut renvoyer à la lecture du livre de Françoise Dastour, Husserl, des mathématiques à l'histoire au PUF. Énmanuel Housset a écrit un Husserl et l'énigme du monde qu'on trouve en point qui nous a été très utile. Et puis votre livre, Philippe Cavestan, un livre que vous avez dirigé, une introduction à la phénoménologie aux éditions Ellipse, comme le dirait Philippe Catherine. On se quitte, mais c'est compliqué. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problèmes si avec nous-mêmes on a déjà des problèmes? Ces problèmes ne sont jamais les mêmes. Au cours d'une journée, on n'est pas pareil. Alors imagine 8 milliards d'êtres humains. Imagine tous ces rapports humains. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Regardez-moi ce groupe de rollers qui mobilise le boulevard Pasteur. Pourquoi simule-t-il le bonheur? C'est parce qu'ils n'ont ni perdant ni vainqueur. Une armée sans joie, voilà ce que je vois. Fuck you, fuck you, fuck you. Tout, je vois tout, tout. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Et dire qu'on était une goutte sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Ce n'est pas la fin du monde, c'est l'heure du journal de la philo sur France Culture, les chemins de la philosophie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo, vous nous parlez d'objets aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est le fait de déménager qui m'a rendue nostalgique ou matérialiste, mais j'ai été frappée ces derniers temps, touchée même par tous ces objets que j'ai vus dans la rue. Vous savez, tous ces objets laissés à l'abandon qui n'ont pas leur place habituellement en dehors d'une maison ou d'un appartement. C'est un canapé qui attend le service des encombrants de la ville de Paris, une commode à laquelle il manque un tiroir ou un pied, des WC dont il ne reste que la cuvette, des livres écornés et tachés. Que font-ils là dans la rue? Qui les a laissés là? Que leur est-il arrivé? Voilà ce que je me suis demandé. Quel est l'avis de tous ces objets qui nous entourent? Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Alors oui, on passe beaucoup Philippe Catherine en ce moment sur les chemins de la philosophie, mais c'est un hommage parce qu'on l'aime beaucoup, hein, c'est tout. Hein, on aime beaucoup Philippe Catherine et il dit très bien les choses car les faits sont là. Les objets sont en effet une part essentielle de nos vies. J'en veux pour preuve l'attachement de ma fille à sa tétine, mon amour infaillible pour ce pull mauve, la passion de certains pour les voitures, les livres ou je ne sais quoi. Personne ne pourra dire le contraire, même ceux qui s'en tiennent au minimum et critiquent notre société de consommation. Les objets sont là, nécessaires, évidents, utiles, aimés ou détestés. On en a besoin, on vit, on les achète, on les use et on les jette. Voilà à quoi ressemble la vie d'un objet. Mais est-ce suffisant de dire ça? C'est ce que je me suis demandé en croisant à plusieurs reprises cette chaussure abandonnée en bas de chez moi. Comment avait-elle atterri là, seule sur le trottoir? Elle n'avait pas l'air spécialement abîmée, elle n'était d'ailleurs pas dans une poubelle, mais elle était indéniablement seule sur ce trottoir. Pas de pied droit pour l'accompagner, personne pour la porter ni la jeter. Je me suis demandé à qui elle avait appartenu. Qu'avait fait cette personne avec cette chaussure à son pied gauche? Avait-elle fait la fête, dansé, passé des entretiens d'embauche, couru après un bus ou rencontré l'amour de sa vie? Et surtout, qu'avait-elle fait pour la perdre ici ou la jeter? Et puis en y repensant, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie de son propriétaire qui m'intéressait, mais elle, cette chaussure. Qui est-elle? Quelle a été sa vie à elle? En 2011, plus de 186 000 biens ont été déposés aux objets trouvés. Mais en cette période estivale, les articles sont bien particuliers. Les touristes perdent le plus des appareils photo, leurs pièces d'identité, puisqu'ils doivent se faire dérober, leurs passeports, les portefeuilles. Le Parisien y perd énormément ses clés, ses lunettes. Après, en septembre, octobre, on a la période scolaire où il y a beaucoup de cartables qui sont perdus. Que deviennent les objets quand on ne s'en sert plus? Quand ils sont perdus ou quand on n'en veut plus? Existent-ils plus longtemps que nous? Peuvent-ils exister malgré nous? À quel moment peut-on dire qu'un objet est mort? Appliquer ces questions aux objets semble absurde. Parler d'existence, de devenir et de mort le semble encore plus. Et pourtant, cette chaussure en bas de chez moi, sa présence en témoigne. Les objets sont plus qu'une part de nos vies, plus que des supports, des cadres qu'on charge d'une dimension seulement utilitaire ou carrément affective. Ils excèdent largement nos vies, à nous. Mais alors à quoi peut bien ressembler la leur? Mais surtout, et c'est la question, à quoi peut bien ressembler leur vie au-delà de leur utilité ou de l'amour qu'on a pour eux? Là est le paradoxe. Les objets nous survivent, mais cette longévité suffit-elle à les faire exister en dehors de leur usage? Le problème n'a d'ailleurs pas échappé aux philosophes. Heidegger nous dit qu'un objet est plus qu'une chose, mais moins qu'une œuvre d'art. Simondon, lui, s'intéresse au mode d'existence des objets techniques seulement. Et Baudrillard en a fait un système sémiologique s'intéressant à leur pure matérialité. Que dit le cuir d'un canapé ou la transparence du verre, par exemple? Et puis on pourrait aussi parler des choses de Pérec, de l'ours en peluche Otto, de Tommy Ungerer ou de l'urinoir de Duchamp. Il y a aussi la scène dans le film d'Yvan Attal, Mon chien stupide, où celui-ci tente de reconquérir sa femme à l'aide d'une chaussure qui, croit-il, lui appartient. Et ça me fait penser à la chaussure en bas de chez vous, Géraldine. Et ben voilà, les exemples ne manquent pas, Adèle, pour tenter de percer l'épaisseur des objets. Quelque chose d'eux résiste au temps, mais aussi à l'interprétation. Silencieux, monotone, simple spectateur, il reste opaque d'un bloc. Voilà, c'est peut-être ça leur vie, leur résistance. Ils résistent, ils prouvent qu'ils existent. C'est ça qui est fascinant avec les objets, on les utilise mais ils nous opposent leur présence. D'une certaine manière, ce sont eux qui nous dominent, qui marquent nos vies, en témoignent. On craint beaucoup la réification, le fait d'être réduit à l'état de choses ou d'objets. Mais on pourrait aussi voir le bon côté des choses, si j'ose dire, et donner aux objets, enfin, une forme de vitalité. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Sylvain Latu à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite, et oui, et fin déjà de notre série autour du phénomène Husserl, le philosophe Edmond Husserl. Et bien demain, nous serons en compagnie de Jean-Luc Marion, l'un de ses plus grands héritiers justement. On se demandera quelle est la couleur de l'être, car oui, la question se pose. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que les précédentes consacrées à Husserl depuis lundi, sachez que c'est possible et que c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philo, hein. Vous pouvez télécharger chaque émission, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, on met les émissions en ligne, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et puis on attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h, nous, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.